ni nom de l'enclos. À monsieur de Saint-Evremont, 1699. Quelle perte pour vous, monsieur! Si on n'avoit pas à se perdre soi-même, on ne se consolera jamais. Je vous plains sensiblement. Vous venez de perdre un commerce aimable qui vous a soutenu dans un pays étranger. Que peut-on faire pour remplacer un tel malheur? Ceux qui vivent longtemps sont sujets à voir mourir leurs amis. Après cela, votre esprit, votre philosophie, vous servira à vous soutenir. J'ai senti cette mort comme si j'avois eu l'honneur de connaître Madame Mazarin. Elle a songé à moi dans mes maux. J'ai été touchée de cette bonté. Et ce qu'elle est toi, pour vous? Ma voix est attachée à elle. Il n'y a plus de remède et il n'y en a nul à ce qui arrive à nos pauvres corps. Conservez le vôtre. Vos amis aiment à vous voir si sain et si sage, car je tiens pour sages ceux qui savent se rendre heureux. Je vous rends mille grâces du thé que vous m'avez envoyé. La gaieté de votre lettre m'a autant plu que votre présente. Vous allez ravoir, Madame Sandwich, que nous voyons partir avec beaucoup de regrets. Je voudrais que la situation de sa vie vous pût servir de quelque consolation. J'ignore les manières angloises. Cette dame a été très françoise ici. Adieu mille fois, monsieur. Si l'on pouvait penser comme Madame de Chevreuse, qui croyait en mourant qu'elle alloit causer avec tous ses amis en l'autre monde, il serait doux de le penser.